si des moments ou pas qu'à comprendre moi. Même si des moments moi pas souris pour vous. Les oiseaux chantent, c'est à vous moi qu'à passer. Pas moi force pour jambé. Dans les étoiles filées, c'est à vous moi qu'à passer. Pas moi force pour jambé. Pas moi force pour moi chanter. Oh, c'est un cas pas moi force pour supporter. Oh, toujours dans les étoiles filées, c'est à vous moi qu'à passer. Pas moi force pour chanter. Oh, les oiseaux chanter, c'est à vous moi qu'à passer. Pas moi force pour chanter. Yeah.